sang partout et l'on s'en fout. Du sang partout et l'on pisse rousse. Ouais ouais. Tu sens la cité du monde.